In Ghana, we say ago and you say ame. Okay, tadem. Ame. Okay, so I say ago, you say what? Ame. I'm inviting everybody here to our festival. We always do it at International African Arts Festival. We do the only traditional program at the festival, and we are the Akans. So we celebrate something similar to what we are doing. Yes. So I feel at home. I'm feeling very good, and so I'm part of you right now. And the date is 2nd Sunday, 1st Sunday. Yeah, I'm gonna leave. Yeah. Where? International African Arts Festival. And maybe Commodore Park. Commodore Berry Park. I'm gonna give you so you can go. Hello. Attention, s'il vous plaît. Hello. Attention, attention. Nous connaissons. Hello. Attention, s'il vous plaît. Nous connaissons Grand Bois, toujours célébré. Cérémonie Bois Caïman. On fait un autre 14 août. 12 août, dans Prospecteur, tu vois pas que ça aille. Et que ma même besoin de dire pour ce tout haïtien qu'on est. I'm gonna interview you. I'm also gonna interview you. I'm a drummer too, so when I see my people drumming, I feel good. I'm gonna interview you. So. Yeah. Listen, teacher. I beg you. She got a new Je vous souhaite un bois. Moun ki pa konnen sa bonis an kaye, se yon organizasyon ki ap eseye fè formasyon jèn ti moun e gran moun evoluizan ou gaman bon kaveye nan meti ansan pou fè formasyon e eduke evoluizan. Li nesesè an Haiti, li nesesè tout kote. Rezon nou gen non evoluizan la kaye, a jou paske mwen men mwen se nèk la kaye, mwen te komanse li la kaye. Mwen lè an pil moun a soutene si pou akèl, pou ke sa la kaye selman, nou ouve a tout moun. Nou ouve a moun nan tout peyi, kè se sa pou nou ouve si pou devolizan la kaye, se jist nou an ki la kaye, se yon nou. Men se devolizan jesman. A yon pou nou. Mwen lè di mersi avèk la mwen, di jason mwen, di dami mwen, se... C'est pas comme seulement qui est important, nous devons montrer culturellement qui ça le vaut. Nous devons merci en pile parce que vous faites partie de la famille à son temps. Here, she make me feel like this is my house. Mm-hmm. Call me. give me a move. Don't point out your flyer. I'm gonna do it. What do you want? What do you need? You want me to prepare this? No, you need that this time. Because when you're done, you have to do this. She's not Asian, but a part of it, she's Asian. De 1h à 2h, qui le bobo qui doit soit moins intervenu dans la joie? Twice. Ok, thank you. Je vais apprécier ça, je vais dire merci avec vous-même parce que vous supportez mon pile. Bobo! Les petits mounions sont venus ici, par contre, qui l'école pour m'aider, qui est l'école qui va fermer dans un an, qui est l'école qui a des problèmes, qui va fermer, qui est le petit mounion qui a des problèmes qui ne va pas attendre, ça fait un bon temps que vous mettez le baron cadre dans l'école, qui est l'école qui est bon, vous même aller avec les parents dans l'école, inscrire le petit mounion, et nous, les programmes, tout, programmes culturels, dans la danse, poésie. Qui bagaille sur le petit monde dans la communauté. Et les papa de Sani sont l'autre organisation qui est là dans la communauté, qui a fait fête, ton collègue en premier juin, 18 mai, Wakaïma, fête papa de Sani, Chamakera, tout bagaille sur le genre d'activité, ça pour qu'il y ait mon tout fait sentir le monde qui est dans New York, que c'est la caille, pour nous inspirer, pour nous montrer le monde qui sa culture est vraiment vrai, sans culture, nous pas rien, sans culture. Yeah, please everybody come out to the Drum Festival, June 16th, downtown Manhattan. We have the addresses on the Facebook page. Tommy Asoto is playing, Makandal is playing, Jara is playing. It's going to be great. June 16th. Please come. Wonderland. Hey! boy, diwale, ki le wa bini we on go, peyi a chanje, ki le wa bini we on go, di beyi chanje, ki le wa bini we on go, bongolo.